suit un reflet fin, précieux échangeant, et les roseaux nombreux s'inclinent quand il passe, sombre et muet, au seuil d'une lune d'argent. Et des blancs nénuphars, chaque corolle ronde, tour à tour affleurie de désir et d'espoir. Mais plus avant, toujours sur la brume et sur l'onde, vers l'inconnu fuyant, glisse le cygne. Ces beaux signes chimériques à ce voyage lent vers le trouble destin, nul miracle chinois, nul étrange Amérique ne vous accueilleront en des havres certains. Les golfes embaumés, les îles immortelles ont pour vous signe noir.